Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on te demande de nous diriger, de nous conduire, de nous instruire. Et le désir profond de notre cœur que tu as régénéré, c'est de te connaître toi et ton Fils bien-aimé. Donc, instruis-nous encore une fois, au nom de Jésus. Amen. On n'oublie pas que nous sommes dans l'Évangile de Luc, et Luc écrit à Théophile, afin d'aider à Théophile à voir comme étant certain ce qu'il a entendu. On se souvient que Théophile est un Grec, un excellent, donc probablement une autorité romaine. Ils ont entendu parler de Jésus, de ses disciples. Mais Luc veut lui démontrer que ce qu'il a entendu est vrai, parce que lui-même est allé prendre des informations auprès des témoins oculaires, qui étaient là quand Jésus a enseigné, ou a fait ses miracles, a chassé les démons. Ils étaient là. Donc, ils ont rapporté ce que Jésus avait fait et enseigné. On doit aussi se souvenir que Jésus a vécu dans l'Ancien Testament, et les gens à qui il s'adresse vivent sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Donc, il faut faire attention, quand on prend ce que Jésus a dit à des gens qui vivent sous l'Ancienne Alliance, qui ne sont pas encore devenus des croyants, qui n'ont pas encore adhéré à Jésus-Christ comme étant le Christ, Dieu fait chair, qui ne voient pas encore la Nouvelle Alliance comme étant mise en place, ils n'ont pas entendu parler de Jésus qui est mort sur la croix, etc. Donc, il faut faire attention, quand on veut appliquer les enseignements de Jésus à des gens qui sont déjà dans la Nouvelle Alliance, qui sont déjà des enfants de Dieu. Il faut faire attention. Et je le répète souvent, parce que c'est tellement important, et je vois tellement de gens dire toutes sortes de choses à partir de ce que Jésus a dit dans les Évangiles, et ils veulent appliquer ça aux croyants, et ça ne fait plus de sens à un moment donné. On a vu dans la semaine passée Jésus qui a enseigné ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Il a dit, le disciple accompli est comme son maître. Donc, on a vu ensemble que nous, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, nous sommes comme notre maître. Non pas qu'on est capable de vivre une vie parfaite comme notre maître, mais qu'on vit dans ce monde qui rejette la lumière, rejette la vérité, rejette Christ, et on réagit de la même façon que lui a réagi au rejet de la société dans laquelle il a vécu. Aujourd'hui, on va voir, dans ce chapitre 7, pour la semaine qui s'en vient, où est-ce que Jésus va faire ressortir la foi. Donc, on va parler un peu de la foi du centenier. On va parler de la foi de Jaïrus, on va parler de la foi de la femme qui a touché au linge de Jésus, on va parler de la foi de la femme qui a été pardonnée. Donc, on va parler de la foi. Mais la foi, en tant que telle, n'a pas vraiment d'importance. C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout le monde a de la foi en quelque chose. Et la foi a de l'importance parce qu'elle se rapporte à quelqu'un qui est Jésus. Donc, ce que nous voulons apprendre, ce n'est pas comment avoir de la foi, comme le centenier, mais avoir à comprendre en qui le centenier avait foi. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble, mais on va commencer par lire le chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va », et il va, à l'autre « viens », et il vient, et à mon serviteur « fais cela », et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Un centenier, ça veut dire qu'un officier romain, donc non-juif. Le texte nous dit au verset 1 que ce personnage-là a un serviteur auquel il est attaché et qui est très malade, sur le point de mourir. Ils ont probablement essayé toutes sortes de choses pour le guérir, mais ça n'a pas marché, donc il est sur le point de mourir. Donc, ce centenier avait entendu parler de Jésus. C'est ce que nous voyons au verset 3. Il en a entendu parler. On a vu depuis le chapitre 4 que Jésus avait une grande renommée dans tout le peuple d'Israël, et là, surtout en Galilée. Une grande renommée. Donc, ce centenier a entendu parler de ce que Jésus faisait et disait. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils demandent à certains chefs religieux, les anciens, quelques autorités religieuses, d'aller auprès de Jésus et de lui demander de guérir son serviteur. Mais remarquez bien ce qui est dit au verset 3. Il envoya pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc, il l'invite à venir. Ça va lui paraître un peu spécial que quand il arrive, mais il lui dit de ne pas venir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Donc, en arrivant auprès de Jésus, les chefs religieux, les anciens, les juifs, disent à Jésus de venir, et qu'ils sont là de la part du centenier pour qu'ils viennent guérir le serviteur du centenier qui est prêt de mourir. Et ils disent à Jésus, il mérite. Il mérite. Ça va être important qu'on comprenne ça ici. Il mérite que tu viennes guérir son serviteur. C'est ce qu'on entend presque toujours des gens religieux. Ils croient qu'ils doivent mériter les bontés de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Ils doivent mériter. Et ce que ce centenier-là avait fait pour mériter, selon les Juifs, selon les anciens, il avait construit la synagogue des Juifs. Est-ce qu'il avait payé totalement tout seul? Peut-être. Mais il avait une bonne réputation parmi les Juifs, parce qu'ils avaient fait bâtir la synagogue. Est-ce que c'était un prosélyte juif? Qu'est-ce que je veux dire par prosélyte? Quelqu'un qui aurait s'était converti à la foi juive? On ne peut pas être certain. Donc, si Luc ne le dit pas, on va laisser tomber cet argument-là. Donc, ils disent, il mérite que tu viennes le guérir, son serviteur. Donc, Jésus part avec la foule qu'il suit tout le temps. Hein, souviens, il est toujours entouré d'une foule. Et ils partent pour aller vers le centenier. Ils sont à Capernaum. C'est probablement pas très loin. Et là, quand Jésus n'est pas tellement loin de la maison, le centenier entend dire qu'il n'est pas tellement loin. Et là, il envoie d'autres serviteurs pour lui de parler à Jésus. Et là, ce qu'il va dire, lui, c'est intéressant. Parce qu'il va dire au Seigneur, « Ne prends pas la peine de venir chez moi dans ma maison. Ne prends pas la peine de venir. Car je ne suis pas digne Quand il entend dire que Jésus arrive près de la maison, il y a un sentiment dans son cœur qui n'est pas digne que Jésus vienne dans sa maison. Il dit, c'est pour ça que je ne suis pas allé moi-même te demander de venir, parce que je ne suis pas digne. Voyez-vous la différence entre les religieux qui disent, il mérite que tu fasses là pour lui, et lui, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison pour guérir mon serviteur. Je ne suis pas digne de te demander quoi que ce soit. Je ne mérite pas. C'est ce que ça veut dire. C'est le contraire de ce que les religieux disaient. Il est digne, il mérite, et lui dit, je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'être dans ta présence, et je ne mérite pas que tu rentres dans ma maison. Et là, il dit quelque chose à Jésus, à travers son serviteur, qui avait envoyé voir Jésus. Il dit, moi, je suis un centenier, et j'ai des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire. Ils ont une autorité au-dessus de moi. Et moi, j'ai des gens en dessous de moi. Je suis une autorité pour eux. J'ai des soldats à qui je dis, fais ceci, et il le fait, dit, viens ici, et il vient. J'ai des serviteurs que je commande, et ils font tout ce que je dis. Donc, il dit, Seigneur, prends pas la peine de venir. Dis seulement un mot là où tu es, et mon serviteur sera guéri. Et là, la Bible nous dit que Jésus dit à la foule, « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. » C'est pas un juif, ça. Ce qu'il est en train de dire, dit, « J'aurais dû voir ce genre de foi-là en Israël. » Israël qui a eu les prophètes, Israël qui avait la loi, Israël qui avait les Écritures, Israël qui avait reçu les prophètes. Mais tu n'as jamais vu une aussi grande foi en Israël. Et il admire le centenier. Comprenons bien ceci. Il n'admire pas le centenier parce qu'il est une bonne personne. Il n'admire pas le centenier parce qu'il payé, il a donné de l'argent, il était généreux, il a fait bâtir une synagogue. Jésus n'admire pas les gens pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Ce qui pousse Jésus à admirer les gens, ou le centenier ici, c'est ce que le centenier croit à son sujet. Le centenier n'est pas admiré parce qu'il a une grande quantité de foi, mais à cause de ce que sa foi l'amène à croire des choses au sujet de Jésus. Il dit, je sais, toi, je comprends, j'ai compris que si tu dis un mot là où tu es, mon serviteur va être guéri. Et il croit que Jésus est capable, là où qu'il est, d'intervenir et de faire un miracle. Mais souvenons-nous, Jésus, en tant qu'être humain, ne peut pas faire de miracle. Un être humain n'a pas la capacité, même s'il est parfait. Jésus n'avait pas la capacité de guérir quelqu'un à distance. Mais on se souvient, Jésus, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va faire le miracle. Parce que l'Esprit qui est en lui, lui est omnipotent, omniscient, omniprésent. L'Esprit Saint, qui est Dieu aussi, il est en Jésus, mais il est aussi dans la présence de ce malade. Le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, lui, il peut faire un miracle à distance, si je peux dire de même. Mais pour l'Esprit Saint, la distance n'existe pas parce que l'Esprit Saint est omniprésent, donc il est présent partout. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va guérir le serviteur de ce centenier. Si on veut être admiré par Jésus, si je peux dire ça comme cela, ce n'est pas ce qu'on fait. Jésus n'admire pas quelqu'un à cause qu'il lit sa Bible, à cause qu'il va à l'église, à cause qu'il évangélise, à cause qu'il prie. Non, c'est la foi. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est à cause qu'il ne se croyait pas digne, qu'il a cru, ou si c'est à cause qu'il a cru, qu'il ne se voit pas digne? Je crois que la foi vient avant de se voir indigne. Si je crois en quelqu'un qui est capable de faire un miracle comme le centenier croyait de Jésus, c'est facile d'admettre qu'on est indigne. Savez-vous pourquoi les gens ne veulent pas admettre qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont indignes, qu'ils ne méritent pas? C'est parce qu'ils croient pas que Jésus peut faire quelque chose juste basé par amour, par bonté, par grâce, par compassion, par miséricorde. Quand je crois que Dieu peut me faire du bien sans que je fasse quoi que ce soit, sans que je mérite quoi que ce soit, il est facile d'avouer « je ne mérite rien ». Et c'est vrai qu'on ne mérite rien. Mais les religieux ont tendance à vouloir prouver qu'ils méritent parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose sans qu'il l'ait mérité. Le centenier ici croit que Jésus peut guérir malgré que lui est indigne, malgré que lui ne mérite rien. Une grande foi, ce n'est pas une quantité de foi, mais c'est une foi qui comprend qui Jésus est. Qu'il est le Messie, Fils de Dieu, qu'il est celui qui va pardonner, celui qui va sauver, celui qui va régénérer. Parce que ma foi, même si elle sera grande en quantité, si elle n'a pas comme sujet la vérité qui est Jésus-Christ, ça ne donne absolument rien. Une foi grosse comme une montagne ne pourra jamais faire quoi que ce soit et ne pourra jamais attirer l'admiration de Jésus si elle n'a pas comme objet Jésus tel qu'il s'est montré, révélé dans les Écritures. Donc Jésus, ici, admire les gens qui ont une foi en lui. Et il répond à cette foi-là. Dans notre texte ici, il a répondu en guérissant le serviteur. Mais pour nous qui sommes ce côté-ci de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes maintenant 2000 ans plus tard, si je sais que je ne mérite rien et que j'ai la foi en Jésus, il peut me sauver, il peut me régénérer, il peut faire de moi un enfant de Dieu, il peut faire de moi un serviteur de Dieu, afin que je puisse servir Dieu son Père. Donc, souvenons-nous, Jésus admire la foi et non pas les œuvres. Oh, il est vrai que la foi va produire des œuvres, mais ce qu'il admire, c'est la foi qu'on a en lui. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as donné la foi, parce que la foi n'est pas innée dans l'être humain. Cet homme-là est venu à croire parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit de ta part, la foi vient de ce qu'on entend. Donc Seigneur, donne-nous de ne pas s'appuyer sur nos œuvres, mais s'appuyer sur notre foi qui est en toi. Amen.